Bataille de Pharsale, guerre d'Alexandrie, défaite de Pharnace, guerre d'Afrique. Il revint ensuite à Rome, passa en Macédoine, investit Pompée et le tint assiégé, pendant près de 4 mois, derrière de formidables retranchements. Enfin, il le vainquit à Pharsale et le poursuivit dans sa fuite jusqu'à Alexandrie, où, le trouvant assassiné, il fit lui-même au roi Ptolémée, qui lui tendit aussi des embûches, une guerre des plus difficiles, et que rendait pour lui bien périlleuse le désavantage du temps et du lieu. Un rigoureux hiver, dans les murs d'un ennemi, pourvu de tout et très rusé, alors que lui-même manquait de tout et n'avait rien préparé. Vainqueur, il donna le royaume d'Égypte à Cléopâtre et au plus jeune de ses frères. Il craignait, en faisant de ce pays une province romaine, qu'il ne devint un jour, entre les mains d'un gouverneur turbulent, une cause d'entreprise séditieuse. D'Alexandrie, César passa en Syrie, et de là dans le Pont, où l'appelait de pressants messages, car Pharnace, fils du grand Mithridate, profitait de ses troubles pour faire la guerre, et avait déjà remporté de nombreux avantages, qui l'avaient fort enorgueilli. 4 heures de combat suffirent à César, le 5e jour de son arrivée, pour détruire cet adversaire en une seule bataille. Aussi se récriait-il souvent sur le bonheur de Pompée, qui avait dû en grande partie sa gloire militaire à la faiblesse de pareils ennemis. Il vainquit ensuite Scipion et Juba, qui avaient recueilli en Afrique les restes de leur parti, et il défit en Espagne les fils de Pompée.